trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Arc-en-ciel, 96.2. La FM. La FM en couleur. Arc-en-ciel, 14h, passé de 2 minutes, Michel avec vous pour ce cocktail coloré de ce lundi 3 février 2020. Bonne écoute sur le 96.2 et pour les internautes www.radio-arc-en-ciel.fr. Et on débute cette émission aujourd'hui avec Marie-Josée sur la route qui va du film Carta Cala 1942. Bravo, la vie et ton fardeau sans lui courber le dos. Oh, le vent froid sous le vent chaud qui glace ou cuit ma peau. Oh, je poursuis l'éternelle ronde des gitans qui parcourent le monde. Oh, oh, oh, sur la route qui va, qui va, qui va et qui ne finit pas. Dans un bruit de chevaux, un frisson de ripaux, je suis celle qui passe. Tant pis si mon cœur bat, tout bas, au rythme de mes pas.

Et on reste avec Enrico, et ce sera cette fois-ci Suzy, l'amour de ma vie. Bon Enrico, allez, tu sais quoi, Enrico, reste là-haut, nous, on va s'asseoir, parce que tu sais que tu es chez des amis ici, tu es chez des gens qui t'aiment fort, qui t'aiment très très très très fort, et hier quand tu es arrivé à la répétition, tu devais faire ce pot pourri, puis tu m'as dit, Patrick, je voudrais chanter un petit bout de chanson en plus, et comme je te comprends, tu as perdu il y a quelques mois Suzy, tu es resté combien de temps avec elle, 50 ans ? 50 ans. 50 ans d'amour fou. Je voudrais vous dire que ma peine est immense, mais que ça serait indécent de l'exprimer devant des millions de gens, parce qu'il y en a tellement qui sont dans la même situation que moi à l'heure actuelle. Ça peut les aider aussi, tu sais. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai épousé Suzy, elle était déjà très malade. Et ça lui était interdit de me faire des enfants. Et elle a bravé la médecine. Elle a, par amour pour moi, elle m'a donné deux enfants et des petits-enfants, grâce à elle, merveilleux. Alors, je voudrais dire à tous les malades qui continuent à garder l'espoir dans les progrès de la médecine, je voudrais remercier tous les médecins qui ont essayé de sauver Suzy et qui vont sauver d'autres malades, ainsi que les infirmières qui ont tout fait pour Suzy. Merci. Et cette chanson, tu l'avais écrite pour elle. Et fais-lui ce cadeau, tu sais. On est entre nous, on a perdu récemment plein de gens auxquels on est là pour dire aux gens, on est comme vous, on est avec vous. Et il reste quoi à la sortie ? L'amour, non ? Il reste l'amour, et je voudrais qu'elle me donne la force de pouvoir chanter un petit bout de « Pour toutes ces raisons, je t'aime », qui est dédié à Suzy. Toi, tu m'as donné ton sourire de femme, des larmes sucrées que je n'oublie pas. Avec toi j'ai eu des années-lumière, des châteaux de cartes et des feux de bois. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Les nuits de l'exil, on était ensemble. Mon fils et ma fille, ils sont bien de toi. Tu es comme moi, et je te ressemble. Je suis orphelin quand tu n'es pas là. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Je n'ai pas de médaille, je suis venu comme ça. Je suis un homme, un fou d'amour, un fou de toi. J'ai passé ma vie à t'attendre, mais j'ai gagné l'amour de toi. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Je t'aime. Eh bien, un grand bravo, bien sûr, à notre ami Enrico Macias. Et on va continuer avec Glenn Miller. In the mood. In

j'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit je t'aime, la la la la la la la la. Je veux te dire adieu, et c'est Marjane. Et puisque d'autres mains sur ton corps pudiques sont venus prendre place où mes doigts ont couru, et puisqu'un autre cœur donne au tien la réplique, et que tes joies se fondent aux joies d'un inconnu, je tes reins se cambrent aux nouvelles étreintes, et que ta peau frémit sous un souffle nouveau, puisqu'un autre que moi peut t'arracher les plaintes faisant jaillir de toi des râles et des mots. Et puisque sur ta couche tu nies mon existence en oubliant mon nom pour mieux crier le sien, et tu mords dans sa vie en tissant ma souffrance et lui disant ces mots que je croyais les miens, puisqu'un autre que moi peut t'arracher des plaintes faisant jaillir de toi des râles et des mots blessés dans mon cœur même. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Allez, on va passer quelques minutes à pleurer. Non, pas à pleurer. On va changer un petit peu de rythme avec la Compagnie Créole.

sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue, dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Mon cœur te dira, les Célianes mes rêves. Quatorze heures quarante-cinq minutes. Oh, comme il est doux le chant qui nous appelle, écoute-le bien, ne demande rien. La nuit si belle, à quoi bon chercher le désir caché? Plus tard, demain peut-être ou bien jamais, nos cœurs se livreront tous leurs secrets. Ce soir, pardonne-moi si j'aime mieux maintenant. L'amour ne fleurit pas sans un peu de mystère. Plus tard, je reviendrai si tu le veux. Plus tard, tu pourras lire dans mes yeux. Je t'aime, c'est à vous. Je le ferai sans doute un jour. Oui, mais plus tard. Demain peut-être, ou bien alors, jamais. Tu voudrais toujours savoir à quoi je pense. Crois-tu que les mots ne sonnent pas faux? Attends, n'aie pas de crainte de mes longs silences. J'attends sans émoi. L'espoir chante en moi. Plus tard, demain peut-être, ou bien jamais, et nos cœurs se livreront tous leurs secrets. Ce soir, pardonne-moi si j'aime mieux m'éteindre. L'amour ne fleurit pas sans un peu de mystère. Plus tard, je reviendrai si tu le veux. Plus tard, tu pourras lire dans mes yeux. Je t'aime, c'est à peut-être, ou bien alors, jamais. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même, c'est un vrai titi. Petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et dont le hardi s'attendrit devant une ange. Prend plus haut que trois pommes, il lance un défi. L'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde, et c'est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit. Aussitôt qui voit un képi, un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même, c'est un vrai titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il a hérité, lors de sa naissance, de tout un passé, lourdes conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Il sait que sur des places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris, rempli d'insouciance, voyeur et ravi de la vie qui danse, s'il faut peut aussi, comme Gavre, chanter dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, rappelle-toi que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris dans une bouteille. Tachou vient d'interpréter le gamin de Paris. Si j'étais blanche, Joséphine Baker. No! Et c'est Fernand Gignac maintenant qui nous interprète Le temps du muguet. Il est revenu le temps du muguet, comme un vieil ami retrouvé. Il est revenu flâner le long des quais jusqu'au banc où je t'attendais. Et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire, aujourd'hui plus beau que jamais. Du muguet ne dure jamais plus longtemps que le mois de mai, quand tous ces bouquets déjà seront fanés. Pour nous deux, rien n'aura changé. Aussi belle qu'avant, notre chanson d'amour chantera comme au premier du muguet, comme un vieil ami fatigué. Pour toute une année, pour se faire oublier, en partant il nous a laissé un peu de son printemps, un peu de ses 20 ans, pour s'aimer longtemps. Et on ne change pas de chanteur, Fernand Gignac, vous qui passez sans me voir. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir? Je vous aime, c'est ridicule, c'est bohème, c'est

Marie Tournelle, Tino Rossi. S'est enfui, la nuit prend son voile, et mes blancs moutons se sont endormis. Tout seul dans le soir, je chante aux étoiles, écoute ma voix, écoute la nuit. Ritournelle, c'est la plus belle, écoutez-la chanter le soir. Le vent l'emporte jusqu'à la porte, auprès de toi j'irai m'asseoir. La lune blanche vers toi se penche et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire, tout semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Dans la douceur du soir, entends ma ritournelle. J'irai bientôt te voir, entends mon chant d'espoir. Mais nous descendrons un soir au village, et d'autres bergers te feront la cour. Malgré leurs chansons, tu resteras seul. Il n'est qu'un refrain pour parler d'amour. Marie Tournelle, c'est la plus belle, écoute-la chanter le soir. Le vent l'emporte jusqu'à la porte, auprès de toi j'irai m'asseoir. La lune blanche vers toi se penche, elle met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire, tout semble dire, c'est toi que j'aime, que je veux. Dans les échos du soir, entends ma ritournelle. Eh oh, eh oh. Mon cœur te dit bonsoir. Eh oh. La FM en couleur. En couleur. Et sur la FM en couleur, on continue avec Albert Bessou. J'avais 20 ans, oui, ça fait un certain temps. C'est moi qui me rajoute, hein. J'avais 20 ans quand les yeux d'une femme, un mot d'amour, faisaient battre mon cœur. J'aurais vendu mon âme et de mon sang j'ai payé le bonheur. Je vous voyais, mesdames, toutes belles. Je confondais l'automne et le printemps. Je vous croyais aussi toutes fidèles. Que je voudrais avoir encore 20 ans. Je vous croyais aussi toutes fidèles. Que je voudrais avoir encore 20 ans. Les femmes sont changeantes comme l'onde. Quand je la pris, je n'avais plus 20 ans. Je fus trahi par la brune et la blonde. Un souffle, un rien emporta leur serment. Pauvre insensé qui voyait dans mes songes un amour pur, un cœur toujours constant. Serment d'amour, vous n'êtes que mensonge, et je voudrais avoir un...

de l'enfance et la folie des hommes ici-bas. Du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dans le sacrifice, le désespoir mis le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi. Tes chers petits dont tu guidais les pas, Sainte Rita, ma donne d'espérance, en te voyant Jésus dans sa clémence, du haut du ciel t'a prise par la main, et de ta vie il refit le chemin. C'est le tour de Danny Flore, Dessous Violette. Des lys, des orchidées, des fleurs toutes arabiscotées, qui ne sentent rien du tout. Moi, les fleurs j'ai toujours aimées, sont celles qu'on achète dessous. Dessous de violettes, pour bonheur et mes peines, vous êtes mes amours, mes petites sœurs qui n'ont pas une veine, c'est vous que j'aimerai toujours. Dessous violette, pour des ronds, ça sent bon, ça vous Et on retrouve Albert Bessou, Corrèze que tu es belle. Albert Bessou. Ma Corrèze que tu es belle, lorsque nous revient le printemps, l'oiseau chante sa ritournelle et l'on s'en va de par les champs. En été, quand sur les montagnes notre bruyère a refleuri, les récits purs dans nos campagnes, tout nous enchante et nous sourit. Corrèze, mon pays, en toute saison je t'aime, toujours aussi jolie. Je t'en prie, reste la même merveilleux paradis où la vie paraît plus belle. Corrèze, mon pays, je te resterai toujours fidèle. La brume à large c'est le vent, où que la neige tombe, tombe pour te couvrir d'un manteau blanc. Corrèze, mon pays, en toute saison je t'aime, toujours aussi jolie. Je t'en prie, reste la même merveille. Paraît plus belle. essentiel. C'est aussi ça. Au ciel brûlant d'Andalousie, le sol est lui. La ville paraît endormie, plus aucun bruit. Nous dansons les belles que l'amour appelle. Et dans ton grenade, pas de sérénade. Le jour s'enfuit, voici la nuit, on chante, on rit. Et Senora, Senorita, tous vous sourient. Et leurs yeux qui brillent derrière la mantille donnent rendez-vous à l'amant jaloux. Les jolis soirs dans les jardins de l'Alhambra, les soirs très lourds dans le parfum des mimosas, les soirs joyeux où l'on est deux, les soirs d'amour où l'on jure d'aimer toujours, toujours. Parfum de fleurs, parfum charmeur, parfum menteur, poison très doux qui prend les cœurs et vous rend fou. Musique lointaine dans la nuit sereine, au chant des mandoles, les baisers s'envolent. Loin des tangos, des fandangos, des boléros, bien tendrement franchir au bras d'un hidalgo. La belle gitane, danseuse et profane, se prend à son tour au piège d'amour. Mais dans mon cœur j'emporterai le souvenir de grands yeux noirs et leurs secrets. Et dans mes voyages, comme un beau mirage, chassant mes regrets, toujours je verrai. Ciel 96.2. Pourquoi chercher ailleurs ce que vous avez ici? Ailleurs, vous changez toutes les couleurs pour empêcher que ma elle est charmante. C'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les doux yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Pour me distraire, sans manière, autant qu'un je suis parti. À quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes.

tu m'as craché au visage, mais tu m'aimeras demain. Au lointain brille la terre, et je tiens ton corps de mière, renversé sur la crinière d'un cheval qui monte au ciel. Les tangas serraux vont descendre des montagnes, j'en dévalais, gardez vos filles et vos maisons. Oh, oh, les tangas serraux, chantez, le ciel est beau. Tu ne verras plus ta mère, tu n'auras plus de maison, mais nous n'aurons pour frontière que le ciel et l'horizon. Par les monts, par les rivières, la mort m'attend chaque jour. Tu m'apprendras tes prières et je t'apprendrai l'amour. Dormez, tangas serrés, dormez, le ciel est beau. Là, s'envole un écho. Ciel, c'est aussi ça. La brise m'apporte un chant d'amour de mon pays. Ébloui à mon bon ciel d'Hawaï, au bord d'un rivage, je vois ma Loana chérie. Elle m'attend ravie sous mon bon ciel d'Hawaï. Combien je l'aime, c'est mon bonheur suprême. On s'est donné dans un baiser. La brise m'apporte un peu d'amour de mon pays, et je me sens repris par mon beau ciel d'Hawaï. Couché seul sur le pont, un jeune songe tendrement, sa pensée s'envole loin sur l'océan. Le souvenir charme vient captiver son cœur. Alors à l'étoile du soir, il dit tout vibrant d'espoir. Brise ma porte, un peu d'amour de mon pays, et je me sens repris par mon beau ciel d'Hawaï. Là-bas sous les palmiers, chaque soir, Loana chante tout bas.

rôle des troubadours. After job ou after work, c'est comme on veut. Ça veut dire à peu près la même chose. Et on se retrouve samedi, bien sûr, et puis dimanche, avec l'orchestre des Oreilles qui saignent. Ils nous viennent de Châteaudun. Et après ce récital Albert Bessou, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne semaine, et puis rendez-vous le week-end prochain, bien sûr, pour l'accordéon. Francky, c'est à toi.